Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Hello, hello. Dans cette émission, je vous propose deux titres de Litfoot Rivet, 1998, deux adaptations en français. Ensuite, Justin Blue, deux titres également, son album de 2022. Et enfin, un titre de Cocodrie, une des révélations de 2024. Litfoot Rivet, c'est un vieux routier de la scène musicale française, blues, mais avant pop et rock, car il a commencé à l'époque du Golf Drow. Eh oui, mesdames, messieurs, il s'appelait Alain Rivet et il a joué dans les Murators, dans les Turnips. Et puis ensuite, en 75, il publie son premier album. Et ensuite, un groupe, Rocking Chair, en 79, avec Claude Langlois, Patrick Verbeek, et puis bien sûr Patrice Boudolamo, le fidèle des fidèles, qui le suit au fil de ses expériences blues, country, rock depuis cette époque. Les deux extraits que je vous propose sont publiés sur l'album Litfoot Rivet Saint Blues. C'est un album très original puisqu'en fait il y en a deux. Il y a son équivalent en anglais qui s'appelle Blues Maniac et avec des compositions de Litfoot Rivet ou des reprises de chansons américaines. Et puis donc Saint Blues, c'est l'album équivalent en français. On commence avec Oupoupadou, une composition qui date de 1960 de Monsieur Jesse Hill, avec à la production Alan Toussaint. On m'appelle le boss, Litfoot Rivet. Mets-toi bien ça dans le corps, mais contente-toi de bosser comme un âne. Comme Pompidou, on m'appelle le boss. Oh, comme Pompidou, on m'appelle le boss. Et me fais pas de crack si tu veux pouvoir conserver ta place. Si tu veux pouvoir conserver ta place, si tu veux pouvoir conserver ta place, si tu veux pouvoir conserver ta place, si tu veux pouvoir conserver ta place. vois bien ça dans le crâne. Mais contente-toi, le boss est comme un âne. Et contente-toi, le boss est comme un âne. Et contente-toi, le boss est comme un âne. Et contente-toi, le boss est comme un âne. Et contente-toi, le boss est comme un âne. Je vous ai dit qu'il y avait Pat Boudolamo à la guitare, fidèle accompagnateur, mais n'oublions pas les guests, les invités, Roy Rogers, Amos Garrett, Larry Garner, Tommy Castro, Patrick Verbeek, Papa Chubby, Benoît Blueboy, Vinnie Paul, Corinna Ardan ou Arden. Le deuxième titre, c'est l'adaptation de The Things I Used to Do de Eddie Jones, dit Guitar Slim, composition de 1955. Litfoot Rivet nous l'interprète sous le titre Les choses que je faisais pour toi. Tu sais toutes les choses que je faisais pour toi. Chérie, je pense que maintenant je les ferai plus, je ne les ferai plus. Les choses que je faisais pour toi. Sûr que maintenant je les ferai plus. Les choses que je faisais pour toi. Sûr que maintenant je les ferai plus. Jusqu'à la corde. Oh, tu peux dire que tu m'as bien eu. Tous ces trucs que je faisais pour toi, tu peux te brosser, je les ferai plus. Plumé comme un pigeon, je crois d'un coup. Justine Blue nous vient de Montpellier. Nous l'avons découvert en région parisienne, au tremplin Blues sur Seine, où elle fut la belle révélation du tremplin en 2017, sous le nom Justine Blues. Mais elle a changé son nom en Justine Blue, ce qui est bien mieux maintenant, puisque ce n'est plus forcément un groupe qui l'accompagne, mais des musiciens. De son vrai nom, Justine Gerland. Après un EP et quelques singles, elle publie en 2022 son premier vrai album, qui sort en CD et en vinyle, qui s'appelle True. L'une des chansons, enfin ma préférée, c'est Bye Bye Big Bad Blues, mais l'album est plutôt orienté soul. C'est, je crois, la voix qu'elle est en train de prendre, et sa voix VOX s'y prête à merveille. Entre les 11 compositions de son cru, il y a ces deux reprises que vous connaissez tous et toutes, Willie and the Enjive et Yellow Moon. Enjive, c'est une composition de Johnny Otis qui date de 1958, remis au goût du jour par Eric Clapton, entre autres. Voici Enjive par Justine Blue. Forgot to go on. Oh, Voici maintenant Yellow Moon, une composition d'Aaron Neville, les Neville Brothers, en 1989. Très très gros succès de ce groupe. En voici la version de Justin Blue, avec à la guitare son comparse Enzo Taguet, qui était déjà présent en 2017, à Blues sur scène. Justin Blue. Tracks, you can tell. If he hung out with another, or he's trying to get back home, is he wrapped up in some other's arms, or that boy still all alone? Oh, with your eyes so big and shiny, you can see that old damn man. Yellow moon, you can tell me that boy with some other girl. Yellow moon, yellow moon, yellow moon, yellow moon, yellow moon, yellow moon, yellow moon, yellow moon, yellow moon. Have you seen that Mexican weaver? You can tell me, oh, and you a friend of mine. Cocodri, c'est une des belles découvertes de 2024. Un groupe qui nous vient de la région de Nantes, un trio, folk, bluegrass, blues, cajun même, puisque alligator, enfin Cocodri, ça veut dire alligator en langue cajun. Il y a Gaëtan, chant, guitare, percussion, Simon, chant, banjo, beatbox, et JD, chant, contrebasse, basse. Ils mêlent leur talent pour ce premier album qui s'appelle Station Marécage. 10 morceaux interprétés en français et en anglais, pratiquement que des compos, sauf le dernier titre qui est une reprise, St. James Infirmary. Ce n'est pas mon morceau préféré du disque, mais le thème des blues covers, c'est quand même des reprises ou des adaptations. Donc je vous propose leur version de ce vieux traditionnel, ce classique même, ce standard, St. James Infirmary Blues de Don Redman et Irvin Mills, dit Joe Primrose en 1928. Tout le monde a repris ce thème, même moi. Voici donc Cocodry, St. James Infirmary. Passing by in old Joe's ballroom on the corner by the square, drinks were being served as usual, and a goodly crowd was there. When up stepped old Joe McGinney, his eyes were bloodshot red. He told me his sad story, and this is what he said. He was passing by the St. James Infirmary. His always baby out there. She was stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. He went back to see the doctor. She's mighty low, he said. Went back to see his baby. Good Lord, she's laying there dead. Sweet girl like she. Now this is the end of his story. You can pass around another shot of booze. And if anyone should ever ask you, tell him I got St. James Infirmary blue. Tell him I got St. James Infirmary blue. Tell him I got St. James Infirmary blue. Tell him I got St. James Infirmary. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir. Dans exactement 30 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même. Dans exactement 29 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même. Dans exactement 28 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même.